Chapitre 18. Ce n'était pas terminé. Dans le système Abdalis, un peu plus loin sur l'hypervoie où le Legacy Run circulait lorsqu'il avait connu un sort funeste, 7 fragments du vaisseau émergèrent de l'hyperespace au-delà du point de transfert. L'un d'entre eux, de taille moyenne, était un morceau de la superstructure de l'immense cargo, une poutre de soutien en dur acier encore fixée à une vaste portion de la coque. Ces débris se déplaçaient juste sous la vitesse de la lumière, mais ils étaient dépourvus d'énergie, électroniquement inertes et situés dans la zone d'où les appareils pouvaient émerger de l'hyperespace en temps normal. Les batteries de senseurs et les systèmes d'avertissement d'urgence ne détectèrent pas les anomalies avant qu'il ne soit trop tard. Et même si elles l'avaient pu, aucun vaisseau de la République rempli de Jedi ne croisait dans les environs pour intervenir. Les 7 fragments filaient le long de l'écliptique du système. Mais Abdalis n'était pas aussi densément peuplé que Hetzal. L'espace était immense et les fragments insignifiants en comparaison. 6 d'entre eux ne touchèrent absolument rien et traversèrent le système de bout en bout pour ressortir de l'autre côté sans incident. Le 7e percuta sous un angle oblique le monde le plus densément peuplé du système. Un désert marécageux interrompu seulement par des usines de la taille d'une ville, des bidonvilles où logeaient des ouvriers de ces dernières et, çà et là, les tours où vivaient ceux qui exploitaient les autres. L'impact vaporisa le fragment, mais le choc rasa une de ces villes, et les bidonvilles, et les tours. Environ 20 millions d'habitants moururent. Ce fut la première émergence.